Bien, voilà, exactement 14h passées de 2 minutes à notre pendule. Vous êtes sur la voie du Zaïre à l'écoute de l'émission Kananga numéro 1. Kananga numéro 1 qui passe tout le lundi, vous le savez bien, de 12 jusqu'à 15h. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, nous recevons dans ce studio un invité qui s'est bien sûr présenté. Il s'agit de Monsieur Patrick Bakengela Chamba, que les intimes appellent communément Baké. Okay. Et il est déjà gradué en gestion à l'université protestante, appelée faculté protestante jadis. Et actuellement, il est en dernière année du deuxième cycle où il prépare sa licence en management. Alors, il est déjà ici avec nous à bâton rompu. Nous avons eu le temps de tailler bavette. Il nous a parlé de management baladeur, le management participatif et le management minute. Et en fait, le grand sujet autour duquel nous sommes en train de débattre ici, c'est le management moral. Et s'il peut juste nous donner un condensé de tout ce qu'il nous a dit ici, à partir de rien que de cette définition qu'il nous a donnée sur ce concept management moral. Oui, merci. Je pense que la définition de management moral est celle que je donne en ce sens, c'est-à-dire comme le management moral comme étant un ensemble de démarches, comme étant un ensemble de méthodes, de processus d'organisation, d'allocation de ressources, planification, tout cela visant à atteindre des objectifs fixés bien à l'avance. Et c'est là, en se basant sur une certaine considération morale ou une certaine considération éthique. Mm-hmm. Donc, c'est en fait ça la définition de management moral. Donc, on met surtout en exerce ici le concept, mm-hmm. la considération éthique mm-hmm. Dans la façon de faire le management. Mm-hmm. Oui. Et c'est ça. Et ce management moral doit avoir ses effets sur la société. Oui. Mmh. En fait, les effets de management sur la société, oui. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il serait d'abord mieux de dire brièvement pourquoi on parle de ces managements moraux. Donc ici, je pense que le management moral intervient comme étant une discipline, comme étant une technique, comme étant une méthode qui se soucie ici de problèmes quotidiens zaïrois. Mm-hmm. C'est-à-dire, il tâche un peu à résoudre ces problèmes. En fait, c'est pas une recette magique comme telle. Une recette qui est inventée en Orient et qu'on amène ici au Zaïre. Non. Mm-hmm. Mais c'est plutôt une approche que nous adoptons pour résoudre nos problèmes. Mm-hmm. Et cette approche est ce que j'appelle, c'est une approche qui est banalisée. C'est-à-dire que qui nous conduit à une sorte de ce que j'appelle le management banalisé. C'est-à-dire que cette approche n'a rien à voir avec la simplification de la rigueur managériale, encore moins l'incitation à la passivité ou à la distraction intellectuelle dans le management. Mais ici, je parle approche banalisée dans le sens que les termes banal où ces participes banalisés signifient seulement que le contenu du management doit être quelque chose qui est d'ordinaire, quelque chose qui ne doit pas être irréprochable, exclusif, exceptionnel, miraculeux, mais plutôt quelque chose de concret qui est doté d'une valeur significative pour la population. Mmh, en fait, c'est dans ce sens que nous comprenons ces termes de management. Donc, pour répondre à la question, oui. Je dis d'abord qu'il fallait dire pourquoi le management moral. Pourquoi le management moral. Oui. En fait, pourquoi le management moral, c'est parce qu'aujourd'hui, nous assistons à ce que j'appelle à une ère de, disons, la massification de ce qui est immoral. Donc, la société zaïroise, comme telle, mm-hmm. accepte tout ce qui est immoral. C'est par pire coïncidence qu'un jour... Mais on l'accepte pas. Est-ce que c'est pas qu'il l'accepte de bonne grâce? Hein? Ils ne doivent pas l'accepter de bonne grâce parce que la situation actuelle telle qu'elle est, en fait, je ne suis pas en train de faire l'avocat du diable pour dire, puisque la situation est tellement difficile, alors il faut y aller dans l'immoral. Hein? Mais enfin, ils sont butés à une si grande difficulté qu'ils ne savent pas. Mettons qu'un salarié qui ne sait pas joindre les deux bouts du mois, oui. Enfin, qui ne sait pas vivre, parce que quand je parle de deux bouts du mois, c'est comme s'il avait un salaire. On l'appelle salarié, mais il n'a rien à la fin du mois. Il y en a qui totalisent une année, deux ans, trois ans, ils n'ont jamais touché à un seul rond. Et pourtant, ils ont droit à cet argent-là, hein, puisqu'ils ont quand même travaillé, qu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'État. Et quand ils n'ont rien, bon, alors là, s'il y a une petite occasion quelque part, quelqu'un qui vient pour trouver son job, et il sait très bien qu'en passant par lui, puisqu'il a, il a beaucoup plus d'affinité avec son, avec le chef direct, celui qui doit, qui est chargé de, il dit, tu veux avoir, t'es tapé de l'emploi dans notre entreprise? Bon, tu passes par moi, fatalement, parce que moi, avec le chef, c'est en direct. Alors, au besoin, tu me sais de, tu m'égraisses la patte, quoi, par exemple. Oui. Oui, mais en fait, c'est ça le grand problème qu'on veut résoudre. C'est ça le, ces problèmes-là que. Oui, et comment est-ce qu'on peut le résoudre, ces problèmes-là? Mais en fait, c'est, avant de donner la réponse à cette question, je veux encore mieux décrire ces problèmes. D'accord, c'est mieux. Excusez-moi, j'essaye un peu de trop lire et puis j'ai beaucoup d'illustrations que je tire de mes lectures. Je voulais ici parler d'un exemple que le professeur Mwabila Malela, donc il a publié un livre au début de cette année qui s'intitule « De la déraison à la raison ». Et là-dedans, il voulait démontrer la déraison des Aïrois et il utilise c'est un refrain d'un poète argentin, Enrique Santos de Schepelo, que je veux reprendre ici. En fait, qu'est-ce que cet Argentin disait? Il disait que en fait aujourd'hui ça revient au même d'être loyal ou traître, ignorant, savant ou voleur, généreux ou escroc. Tout est pareil, rien n'est mieux. Un âne vaut un grand professeur. Il n'y a ni sanction ni récompense. L'immoralité nous a rattrapés. Et que l'on vive dans l'imposture ou que l'on court après son ambition, peu importe que l'on soit curé ou métallacier, ou roi des piques, tête de mille ou franc salaud, qui ne demande rien à rien et celui qui ne vole pas est un imbécile. Vas-y donc, ne te gêne pas, on se retrouvera tous en enfer. Ne réfléchis plus, reste dans ton coin, nul ne veut savoir si t'es né honnête. Un fataliste, on dirait. Oh, en fait, c'est en fait ça, cette situation. Oui. Que, une situation décrite pour l'Argentine, mais qui est d'actualité dans nos murs. Justement. Justement. Et pour y remédier. Effectivement, je sens que tu y avais pensé faire une sorte d'approche là-dessus. Oui. Oui. En fait, pour remédier à cette situation, je pense qu'il y a plusieurs choses, plusieurs considérations. Oui. C'est d'abord ça l'essentiel du management moral. Malheureusement, je ne pense pas que j'aurai à détailler ces applications du management moral. Mais heureusement pour la population kanangaise, les intellectuels kanangais, nous pensons dans un proche avenir organiser une conférence là-dessus sur les applications du management moral dans la société zaïroise de demain. Je pense que ça sera à la presse universitaire et alors là, il faut grandement trouver des arguments pour parce qu'ils viendront et je sais qu'ils tiennent beaucoup. Justement, nous pensons que c'est là, ça va leur permettre d'aborder ces problèmes et nous invitons qu'ils puissent venir partager ensemble ces expériences. Donc, en fait, parce que vous demandez de parler des effets sur la société, sur la société actuelle. Oui, les effets, ça doit être les bons effets, quoi, hein, bon, sur le management moral. Le management moral. Oui. Donc, d'abord, pour qu'on parle des effets de la société, je pense qu'il est nécessaire que notre société puisse change ce que j'appelle le paradigme. Donc, le paradigme. Donc, paradigme qui est juste synonyme de changement. Oui. Ou autre chose. En fait, paradigme, ça veut dire synonyme d'un modèle, schéma. Je pense que dans nos dictionnaires ordinaires, on ne trouve pas la meilleure définition du terme paradigme. Mais surtout dans les dictionnaires anglais, on voit le vrai sens du terme paradigme. Donc, brièvement, je peux dire que le paradigme, c'est cette façon, c'est ces schémas dans lesquels on vit. On accepte certaines choses. C'est par exemple le cas d'un Égyptien, Ptolémée, qui pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et depuis longtemps, on a accepté cela. Et on vivait dans cette situation. Et puis quand Copernic est venu pour dire que non, écoutez, c'est le Soleil, ça a changé la façon de concevoir. Oh, c'était qui ça? C'était Copernic ou... Oui, justement. Donc, ça change un peu la façon de voir des choses et ça complique. C'est aussi, par exemple, Newton, qui vient et il nous parle de modèle de la loi de la gravitation, de choses comme ça. Mais Albert Einstein, qui vient par après, il parle de relativité. Donc, ça change cette façon de concevoir. C'est aussi cette façon, quelque part, on peut accepter le vol dans la société. On pense que c'est l'acte de bravoure, c'est lui qui vole, c'est vraiment quelqu'un qui est bien. Alors que c'est dans une autre société, cela n'est pas le cas. Donc, c'est un paradigme d'un côté. Donc, dans ces paradigmes, on accepte le vol, mais dans l'autre, on ne peut pas accepter. Donc, je pense que pour revenir à la question, il faut d'abord changer cela. Savoir vivre selon la voie morale, la voie éthique, parce que vous savez qu'il n'existe pas vraiment une meilleure façon de faire une mauvaise chose. Quand la chose est mauvaise, elle restera toujours mauvaise. Il ne faut pas chercher à améliorer ce qui est mauvais, dire bon, moi je veux voler, mais je vais essayer un peu de bien voler, ou parce que... parce qu'il n'y a jamais bien volé, mal volé, en fait, tout est volé quand même, volé, ça et reste... c'est déjà un mal. Ça reste... Et les chrétiens nous disons que c'est un péché. Oh, justement, justement. C'est ça. Oui, au fait, je me dis moi-même, quand nous demandons à cette société de pouvoir changer, est-ce qu'il n'y a pas lieu de commencer par la tête? Comment est-ce qu'un subalterne peut changer quand un chef d'entreprise ne sait pas changer? Un chef d'entreprise qui est là, qui sait qu'il en demande un peu plus, qu'il en demande même un peu trop à son subalterne, et que ce subalterne fournit autant d'efforts, se disant, enfin, il faut que je fasse bien ce que me demande mon employeur. Et peut-être, sait-on jamais, il pourra penser à couronner mes efforts par un geste quelconque. Entendez que les subalternes fournissent cet effort-là, et que de l'employeur, il n'y a même pas un appel du pied. Oui, en fait, c'est ça. Quand on parle du management moral, on est toujours confronté à ces problèmes de dilemme moral. Des problèmes où on se trouve entre des propositions qui sont contradictoires. Donc, on sait, par exemple, que si j'accepte le pot de vin, ça peut m'aider pour la famille, ça peut améliorer un peu ma situation. Mais éthiquement, cela n'est pas admis. C'est pas acceptable. Oui, alors, est-ce que je veux accepter cette situation? Est-ce que je veux pas l'accepter? On est dans un dilemme moral. Oui, et c'est ces problèmes que nous attaquons ici dans ce que j'appelle le management moral. Mais pour parler d'abord que cela doit commencer au niveau de chef et les subalternes après, je pense qu'il faut quand même une certaine modération. Parce que beaucoup de gens se réfugient dans ce phénomène pour dire, mais c'est d'abord le chef. C'est d'abord la tête. La tête. Ils oublient complètement aussi. Ils disent comme dans les cides de Pierre Corneille, quand le bras a failli, on a puni la tête. Il dit que si moi je suis dans les mains, c'est d'abord à partir de c'est à cause de la tête. Justement. Ah bon, d'accord. Et si on entre dans cette autre manière, on va tourner dans un cercle vicieux et le problème ne sera jamais. Il sera pas résolu jamais. Donc il faut. On se renverra la balle à tout instant. Et ça c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. Donc je pense que ces problèmes là, ça doit commencer partout. D'abord, ici, on doit dénoter la responsabilité de parents. Les parents, parce qu'il y a deux fois, malgré eux, ils favorisent quand même les enfants à accepter cette situation. Donc un enfant qui va à l'école, il sait que corrompre c'est bien parce que mes parents vont me donner de l'argent, je veux... Et j'irai dans la classe supérieure. Et on tolère des choses comme ça. Et on néglige les études. C'est pratiquement la même chose avec une petite histoire qui est apparue dans un journal où on disait, qui est intitulé « Ne t'en fais pas fiston, tout le monde l'est fait ». C'est-à-dire, il y avait un petit bonhomme, un petit gosse, qui avait à peine 8 ans. Un jour, il roulait, c'était aux États-Unis, il roulait avec son père dans une bagnole, et le père avait oublié, il y avait le feu rouge, au lieu de bien regarder, n'a pas regardé, il a brûlé. Ouais, et puis, il y a un policier, « Oh, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait ». Et puis le père a dit, bon, il a glissé un billet de $5 dans la main à monsieur l'agent. Oui. Et puis il dit à son fils, mais t'en fais pas fiston, ici c'est tout le monde qui l'a fait. Et puis fiston a compris, il l'a laissé. Oui. Et quand ce même fiston a eu 10 ans, un jour il partait avec sa mère au cinéma, et puis ils étaient en retard. Ils arrivent, il n'y avait pas de place. Et la mère dit, mais l'enfant ici, je ne peux pas faire ceci. Il part voir le caissier, il lui glisse un billet de $10. Il dit, mais fais un peu quelque chose, on doit trouver une place quand même. Moi, avec mon enfant, on ne peut pas être debout. Même si... Et puis, il oublie les autres, il dit, bon, écoutez, vous restez là-bas. Et il va, il cherche une place, il place la mère et l'enfant. Et la mère dit à son fils, il dit, écoute, ne t'en fais pas fiston, ici, c'est tout le monde qui l'a fait. Là, il avait déjà 10 ans. Oui, l'enfant. À 8 ans, c'était avec le papa. À 10 ans, maintenant, avec la maman. Oui. Oui, et maintenant, à 12 ans, avec sa tante. C'est petit. Il partait un jour. Il était à l'école. Il jouait. Et puis, il a fait casser ses lunettes. Non, c'était perdu. Et puis, il est rentré. Il a dit à sa tante, mais je ne sais pas, j'ai perdu mes lunettes et tout ceci. Et... Ah, la tante a dit, mais écoutez, nous, on ne peut pas t'acheter d'autres lunettes. Donc, il faut seulement, on va dire à l'assurance que c'était cassé quand on jouait, des choses comme ça. Et l'assurance va essayer un peu de payer. Ouais. Et puis, la tante, il dit à son neveu, il dit, t'en fais pas fiston. Ici, tout le monde le fait. Tout le monde. Et le même refrain qui est revenu. Oh, c'est le même refrain. Et quand il a eu 14 ans, quand il a eu 16 ans, le petit, il jouait un jour dans une équipe de football. Et bon, il était bien, il voulait devenir un grand joueur. Et puis, il y a le coach, l'entraîneur. L'entraîneur, oui. Il a donné toutes sortes de techniques. Et puis, il dit par après, mais écoutez, si vous voulez bien gagner le match, il faut maintenant vous montrer des techniques pour tricher et ne pas vous faire repérer par l'arbitre. Et puis il montre comment il faut tricher avec la main, par exemple, avec la main. Et puis on trempe que on a c'était la tête. Et puis il dit au fils, on fait pas un fiston ici, c'est tout le monde qui le fait. Et puis il a grandi jusqu'à un certain niveau en classe. Il était là, il avait un examen difficile. Il ne savait pas quoi faire. Il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était terriblement difficile qu'il a dit, non, je vais tricher. Et il a triché. Il a pris ses notes. Et on l'a attrapé. Il s'est dit, mais comment tu peux faire des choses comme ça? On l'a attrapé, on l'a chassé. Il est rentré à la maison. Il arrive à la maison. C'était un jour de coïncidence. Il y avait une réunion familiale. Son père était là, sa mère était là. Tante et oncle, oui. Tout le monde. On arrive, on dit, mais pourquoi tu reviens à cette heure à la maison? Il dit, ah, je suis chassé. Pourquoi chassé? On faisait l'examen. Mais comment, tu n'as pas bien fait? Non, bon, écoutez, j'ai triché. Oh, tu as triché. Comment tu peux faire une pareille chose? Toi, ah tu bon? Triches. Alors qu'ici, nous, on est une bonne famille. On te dit qu'on te montre de belles choses. Et toi, tu viens, ça, c'est pas possible. Alors, tout le monde a crié à Rose sur le baudet. Justement. Et puis, et en oubliant que déjà tout au départ. Oui, en fait, c'est ça, c'est que j'appelle une programmation mentale. Oui. C'est-à-dire, on est programmé mentalement à accepter certaines situations. C'est ainsi que on peut facilement accepter de pot de vin. On pense que corrompre c'est bien. Non, ça, je pense qu'on doit aller au-delà de cette considération pour bien comprendre ce que le management moral. Donc ça, c'est l'effort que l'on doit fournir pour comprendre que en suivant la meilleure voie, la voie de la justice, la voie morale, on peut toujours parvenir. On peut parvenir à atteindre le but. Donc on ne peut pas penser que non, pour bien réussir, il faut toujours tricher, il faut faire ceci, non. On peut aussi réussir en suivant la voie qui est normale, la voie qui est morale. Et c'est cette voie qui demande que l'on fasse un effort, que l'on se mette à... Justement. C'est ça. Justement. Bien, on va continuer. Baquet, il est 14h passé de 24 minutes à notre pendule. Nous sommes sur La Voix du Zaïre Kananga. Dans l'émission Kananga numéro 1, nous recevons, comme je vous l'ai dit, Monsieur Patrick Bakengela Chamba. Baquet. Ouais. On respire encore un petit peu. Ok. Oh, c'est une malchance vraiment pour Nanga. Konga na zui, aucun dingue va copeler là. Tango bango basuaka, au patin niote. Na batini mana lima yeo, vai na loba nini e. Na batini mana lima yeo, vai na loba nini e. Batini na kotina, vai na loba nini e. Oma, oma. Bien voilà, 14h27 minutes à notre pendule. Vous suivez Kananga la voix du Zaïre. Bien, dans ce studio à bâton rompu avec notre invité Patrick Baquet. Je pense que c'est vrai comme ça. Ouais, oui, d'accord. Vrai, ouais. Et il y a aussi, je ne sais pas, après nous avoir entretenus sur le management moral, il ne reste plus qu'à nous donner certaines pistes. Donc ce sont, de sortes de recommandations à partir desquelles on peut parvenir, aboutir à sensibiliser le moral. Je pense que il n'y a que toi pour nous donner un peu ces quelques pistes, ces quelques voies. Ok. Hein. Je pense que je veux quand même essayer de m'efforcer pour donner ces quelques pistes. Mais je vais souligner ici le fait que les auditeurs et les auditrices de La Voix du Zaïre ne puissent pas prendre ça comme une recette magique. Parce que trop souvent, on a dans le temps plutôt commis cette erreur de prendre tout ce qui vient de l'Occident comme étant comme parole d'Évangile. Parole d'Évangile, on prend comme une recette. Et il y a même beaucoup d'auteurs qui ont montré ces phénomènes-là. Il y a par exemple un Ivoirien, Henri Bourgand, qui a écrit Afrique malade du management. Et là-bas, en collaboration avec le français Boulinger, un professeur d'université, ils ont trouvé qu'à la différence de la réussite, ce qui fait la réussite ou l'échec dans le management, c'est en fait la dimension culturelle. Et celle-là, c'est très très importante. Cette dimension, elle est très importante. Dans cette dimension-là, on peut trouver ce qu'ils appellent le distance hiérarchique, ce qu'ils appellent la masculinité, ce qu'ils appellent le... En fait, il y a tout un tas d'histoires là-bas, mais ce n'est pas le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Je m'en vais donner quand même quelques pistes ou quelques recommandations à nos auditeurs et auditrices en ce qui concerne le management moral. Mm-hmm. C'est d'abord le fait de considérer les cinq facteurs de la force morale que je m'en vais citer. C'est d'abord la foi, la fermeté, la oui. finalité et la faculté de distanciation. En fait, je pense que j'aurai à développer cela surtout dans cette conférence qu'on envisage pour le 13 mm-hmm. octobre. Ah, le 13 de ce mois. Hein? Oui, ça mm-hmm. sera la paroisse mm-hmm. universitaire. C'est bien, on aura ça. L'occasion de bien... T'entrer en détail en un détail. Peu plus, c'est ça. Mm-hmm. Donc, d'abord, la finalité, c'est le fait qu'on doit agir avec une certaine finalité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on se réveille le matin, on sort de la parcelle, on est dans la rue, on ne sait pas ce qu'on va faire, et on se balade de gauche à droite, et puis... On ne sait pas comment le faire, comment pourquoi le faire, donc il n'y a pas un but là. Il n'y a pas un but, c'est-à-dire que dans ce qu'on doit faire, on doit avoir une certaine finalité. Mm-hmm. Donc ça, c'est très très important, mm-hmm. c'est très très important, la finalité. Mm-hmm. Donc, elle est à la base de ce que j'appelle la force morale. Donc, une fois qu'on a cette finalité dans ce qu'on fait, on sait qu'on va aboutir à ceci, on va aboutir à cela. Deuxièmement, c'est il nous faut avoir ce que j'appelle la foi. Mm-hmm. Donc, la foi ici, pas comme cette... Cette foi religieuse que nous avons... Pas tellement, mais en fait, c'est oui. une foi... Mm-hmm. Une foi à conviction, une conviction personnelle. Justement, oui. c'est-à-dire on a la foi, on pense qu'en faisant le bien, on aboutira toujours à une meilleure solution, quel que soit le prix, parce que choisir de faire ce qui est bien, de suivre la meilleure voie, c'est pas facile. Donc on aura des difficultés parce que on sera buté à une résistance terrible dans la société. On va dire, mais écoutez, c'est pas toi qui vas ranger ce pays, écoutez, c'est pas, tu n'es pas le premier, alors des choses comme ça. C'est ça. Donc la foi, c'est cette assurance de suivre toujours ce qui est bien et aboutir à ce qui est aussi bien. Donc c'est cette foi. Il y a aussi ce que j'appelle la fermeté. La fermeté, c'est en fait le... C'est qu'un écrivain américain, Churchill, qui un jour il est invité dans une université pour faire un discours à l'occasion de... C'était la fin de l'année, quoi. Oui. Et comme on savait, Churchill était une grande personnalité, il écrivait beaucoup, et... On a mobilisé presque tout le monde dans l'université. On dit, Churchill va venir, il faut tenir attention, il faut savoir ce qu'il va dire, il faut retenir ce qu'il va dire. Et puis Churchill vient, on lui accorde la parole, et puis il dit, mesdames, messieurs, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais, jamais, jamais abandonner. Et c'était tout. C'était tout. Pour discours. Hein. Pour discours. Mm-hmm. Et tout le monde était déçu. On dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? On nous dit qu'il va nous dire de bonnes choses. En fait, il voulait signifier ce que j'appelle ici la fermeté. La fermeté. Mm-hmm. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage dans cette voie, il faut rester ferme. Constant. Oui, malgré tout ce qu'on a comme difficulté, pépin, mais toujours tenir. Tenir le coup. Tenir le coup. Mm-hmm. Et on va toujours aboutir à un résultat. Qui est meilleur. Oui. Mm-hmm. Cette fermeté, ça s'est aussi révélé dans la vie courante. C'était un cadre. Concurrente. Et si ses directeurs acceptaient cette disquette, ils pouvaient gagner les marchés. Puisque connaissant les secrets de l'autre entreprise. De l'autre entreprise oui. Et ça pouvait permettre de bien gagner le marché. Mm-hmm. Mais parce qu'il avait suivi cette foi, cette fermeté, il avait cette finalité. Cette force morale qu'il avait donc. Ouais. Il s'est résolu de ne pas accepter et de rester dans cette situation. Mm-hmm. Et par la suite, il a eu des difficultés. Et un an plus tard, il a perdu son emploi et il est au chômage. Mais il tenait toujours à ce qu'il avait. Il dit, moi, avec ma force morale, je vais aller. Mais une année plus tard, il a eu une autre position, plus que ce qu'il a fait. Et c'était très bien parce qu'il a trouvé un autre emploi dans une autre société. Il était presque un directeur. Mm-hmm. Et tout ce qu'il avait eu comme difficulté, il l'a même oublié. Il l'avait oublié. C'est ça. Donc, et en fait, je vais te dire la dernière recommandation, c'est cette faculté de distanciation. C'est le fait, par exemple, pour quelqu'un, lorsqu'il raisonne beaucoup, il y a un moment où il peut sortir, il peut marcher, il peut prendre de l'air, une façon d'aérer un peu le de se relaxer ou quoi? Relaxer. Oui. Mm-hmm. Mais ça permet de raisonner. Mm-hmm. Ça permet de raisonner. Vous savez, surtout lorsqu'on est travailleur, lorsqu'on est un cadre, on a trop de problèmes, on est vraiment acculé. Donc on travaille 4 soirées sur 5, on travaille au boulot, à la maison, on est vraiment acculé par la force du travail. Et puis il faut toujours avoir ce temps d'être peut-être seul et puis et de réfléchir, d'aligner les réfléchir idées. De mm-hmm. contempler la nature. Mm-hmm. Et ça permet quand même de restaurer ce que j'appelle cette force morale. Je ne saurais dire mieux que peut-être dans cette conférence qui va se tenir les 13, parce que je pense que d'accord, et alors là, permettre ces feedbacks là entre mm-hmm. les auditeurs et toi. Oui. Voilà, d'accord, monsieur Baquet, nous sommes très contents que tu sois venu dans ce studio de la Voix du Zaïre. Mmh. Et Elisabeth Mbombo, Théodore Kadingou, moi-même, et nous avons un grand observateur sur ma gauche, c'est monsieur Emmanuel Makabou. Emmanuel Makabou, et il nous observe comme ça, et je sais qu'il a aussi son temps pour parler. Il aura son temps pour parler. Et c'est quelqu'un que nous accueillons également dans ce studio de la Voix du Zaïre, et nous espérons que Dieu permettra qu'un jour nous puissions cheminer ensemble. Et, en conclusion, mmh. Ça serait inviter nos auditeurs, auditrices, mmh. qui ont encore cette envie, cette soif-là de poser des questions, mm-hmm. d'avoir plus d'illustrations sur ces phénomènes de management moral, mm-hmm. De venir surtout le vendredi 13 octobre à la paroisse universitaire. On sera là pour répondre à toutes ces questions, mm-hmm. et surtout étancher cette soif. Donc ça sera une bonne occasion, je pense, qu'il fera plaisir pour les intellectuels kanangais et kananguaises. D'accord, voilà. Ça a été un grand plaisir pour nous. Nous avons ainsi terminé avec notre ami, monsieur Patrick Bakengela Chamba, que les intimes appellent Baké. Et nous l'avons dit, je ne cesserai de le répéter, qu'il est gradué en gestion à l'université protestante. Et actuellement, il est en dernière année du deuxième cycle où il prépare sa licence en management. Alors, monsieur Baquet, encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur la Voix du Zaïre et toutes nos félicitations. C'est moi qui vous remercie, surtout pour votre accueil et votre façon de nous tenir sur le chemin, quoi. Ah oui, c'était très très très bien. Oui, nous sentons flattés comme ça. Encore une fois, merci.